Alors, que va-t-il se passer à présent pour les cancers? Que va-t-il se passer pour vous, amis cancers, toujours donc en mars 2022? Quel est le conseil en tout cas de notre cher tarot de Béline? Enfin, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Alors, on y va. Peut-être des... Alors, il y a une certaine chance, une certaine protection concernant la famille. Donc ça, c'est bien parti. On va voir de quoi le tirage vous parle. Donc, les cancers pour le mois de mars 2022. Cancer, cancer, cancer. Ah, alors là, il se passe quelque chose, c'est que quand... J'ai pris une carte, l'autre, il y a une carte que je n'avais pas choisie, qui s'est retournée, elle a sauté du jeu. Bon, en plus, c'est une bonne carte, donc je la mets de côté ici, mais je la prends, parce que ça va peut-être me donner, et certainement, un renseignement. Alors, pour les cancers, que se passe-t-il? Oh, bah, moi, j'ai l'impression qu'il est question de couple, puisqu'on a, on a fait une coupe concernant... Alors, attendez, j'essaie de vous montrer... tout le jeu n'est pas évident. Voilà, alors on a fait une coupe concernant la famille, plutôt des bonnes choses, et là ici j'ai le couple qui ressort dans le tirage avec donc des histoires peut-être d'engagement, d'argent, de matériel. Donc c'est vrai qu'apparemment vous allez sans doute être préoccupé par des projets, des investissements peut-être matériels en couple, en famille. Évidemment, le guide de tout cela, c'est l'amour. L'amour, en tout cas la passion. Vous êtes emballé par vos projets, vos envies de vous investir ensemble ou de réinvestir ensemble. Ça peut être des grands projets ou des petits projets, bien sûr. Mais en tout cas, on met en place des choses. Et c'est apparemment une bonne idée, parce que c'est cela qui ressort finalement, puisque ces initiatives sont amenées à réussir et que cela va consolider vos liens avec les personnes chères. Donc c'est sans doute votre union en couple, ou ça peut être aussi avec un associé, mais là j'ai plus l'impression que ça parle de sentiments, mais ça peut être aussi avec un membre important de votre famille. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des possibilités de réaliser des choses avec votre clan ou votre duo. Voilà.